Le premier ministre coréen Park Bong-joo a inspecté des entreprises importantes des districts de Pukchang et de Tokchon. Il s'est informé en détail de l'état de production et des travaux d'agrandissement de capacité du complexe thermoélectrique de Pukchang et des mines de Jenam et de Namyang du complexe houillé du district de Tokchon. Des réunions consultatives des cadres concernés ont eu lieu sur place. D'autre part, le Premier ministre a visité le complexe automobile Sungni pour s'enquérir des caractéristiques techniques du camion de 5 tonnes de type nouveau et discuter l'orientation de la refonte technique du complexe.